Yann, t'es toi. On est plaqué en si bémol qui piano piano. On sent la vie que vient sonner, on se met les mélos. En petite musique qui fait où songer, les îles à nouveau. Chambéo serré.